de la mort, qu'est-ce qui nous pousse à maintenir en vie? C'est se rassembler, c'est se distinguer et unir. Au silence de la mort, qu'est-ce qui nous pousse à nous maintenir en vie? C'est se rassembler, c'est se distinguer.